Parler de hockey, on va continuer notre. Au cours des prochains jours, on va faire un peu le tour des joueurs natifs de la région qui évoluent qui ont évolué dans les différents camps de la Ligue de hockey junior du Québec pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Et là, on va s'entretenir avec Jérémy Fortin, qui était un choix quand même des Cataractes de Shawinigan et il a participé au camp des Cataractes. Savoir un peu comment que ça se passe chez lui. Salut, Samuel, salut Jérémy. Salut. Jérémy, comment ça a été? Ça a bien été, là. Je pense qu'en 2 semaines, j'ai réussi à faire mes preuves et que j'ai laissé une bonne trace pour le prochain camp. OK. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Pourquoi tu ne fais pas l'équipe cette année? Parce que, bon, de toute évidence, tu viens de confirmer que tu ne feras pas la formation. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ouais. Ben, dans le fond, les Cataractes, c'est une équipe qui vise la Coupe Memorial soit cette année ou l'année prochaine. Fait que c'est sûr qu'ils vont prendre des joueurs plus âgés okay. un peu. Mais en même temps, quand j'ai rencontré la direction et tout, ils m'ont dit qu'ils avaient bien aimé ce qu'ils avaient vu. OK. Il manquait encore un petit peu d'expérience sur la midget 3, puisque l'année passée, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de glace. Donc, ils m'ont dit que j'allais retourner dans la midget 3 okay. cette année. Est-ce que tu as joué un match au concours? Est-ce que tu as joué un ou deux matchs au concours? Ouais, mais j'ai joué un match contre Victoria. OK. Puis. Okay. Puis ouais. Comment t'as trouvé l'expérience? C'est-tu plus vite? Ou tu t'es quand même bien débrouillé? Ça a vraiment bien été. Les joueurs sont plus intelligents un peu, puis les passes sont plus raides, mais je pense que ça a bien été. J'étais quand même dans OK, OK. Jérémy, si on parlait maintenant de ta prochaine saison, bon, on t'a dit, est-ce que tu as eu la garantie que tu vas jouer de façon régulière avec les élites? Ben, la direction Cataractes m'a dit que de me tenir prêt en okay. tout temps, puis que je pouvais être rappelé durant toute la saison, si on veut, puis que j'allais être le premier remplaçant à la terre. Ah, c'est bon, c'est bon pareil, ça? Ouais, ça a bien été, puis... OK. Qu'est-ce que sur quoi t'entends travailler quand même? T'entends travailler sur l'aspect physique? Moi, on me dit que t'es un gars qui travaille beaucoup, que t'es un gars qui écoute beaucoup, beaucoup, qu'un joueur exemplaire, quoi. Et qu'est-ce que t'entends travailler? Développer ta force physique, prendre plus d'expérience? C'est ça que t'entends faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Ben, eux, ils m'ont fait remarquer que j'avais pas assez confiance en okay. moi. Que je devais avoir plus de maturité dans mon okay. jeu. Fait que je vais retourner avec les élites, puis je pense que je vais prendre un peu un rôle de leader, parce que c'est ma deuxième année avec eux. Puis en même temps, je vais essayer d'améliorer toute mon explosion, parce que j'en ai okay. besoin. C'est sûr que, quelque part, quand tu n'as pas joué beaucoup, parce que tu n'as pas joué beaucoup l'an passé, c'est difficile d'avoir une confiance en soi, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en même temps, ils voulaient pas prendre de risques non plus. 2 ans à pas jouer, je pense que ça joue dans le mental un petit peu, puis c'est pour ça qu'ils m'ont renvoyé dans le milieu. OK. Du côté physique, t'es-tu un gars que t'as travaillé de ce côté-là aussi? C'est depuis que j'ai pris 10 livres. OK. Mais je pense qu'en tant que grandeur, en tant que grosseur, je suis pas mal dans les normes du junior majeur. OK. Les élites, maintenant, parce que cette année, tu vas jouer quand même un rôle important avec les élites. Quelle sorte d'équipe que vous allez avoir? Oui. J'ai pas encore vraiment vu de l'équipe parce que je suis pas encore okay. rentré, mais je pense qu'on va avoir une équipe travaillante puis avec beaucoup de talent. Okay. Puis on va être assez rapide okay. aussi. Parce que là, tu es encore à Shawinigan, tu es encore au camp d'entraînement des Cataractes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, ils voulaient que je prenne un peu de millage avec l'équipe puis que je reste tout au long du camp d'entraînement puis un petit peu au début, pas au début de la saison, mais jusqu'à temps que le camp d'entraînement se termine. Okay. Fait que là, l'équipe est faite, mais moi, je suis encore avec l'équipe et je m'entraîne avec les vétérans. OK. Donc, il y a encore des possibilités que tu joues d'autres matchs en concours? Non. OK. C'est juste que je connais un peu d'expérience junior. Okay. Mais jeudi, je me retourne okay. à Jonquière. Surtout dans Jonquière, OK, effectivement. Bien, Jérémy, on va te souhaiter la meilleure des chances cette année. C'est une belle année pour toi avec les élites de Jonquière. C'est... De savoir que tu peux être appelé en tout temps, quelque part, c'est quand même réconfortant. Ça veut dire que tu es tout près du junior majeur. Mais est-ce que tu y croyais vraiment au départ? Est-ce que c'était vraiment ça ton objectif ou c'était de faire écarquiller les yeux au départ? C'est sûr qu'au début, on se fait un peu d'idées, puis on se fait un peu d'allusions, puis on veut vraiment. Okay. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu les deux pieds sur terre, puis je me suis rendu compte qu'ils vont prendre beaucoup de vétérans, puis beaucoup de 19-20 ans. Okay. C'est une équipe qui veut avoir de l'expérience pour la Coupe de Montréal, mais je pense que j'ai laissé de bonnes traces. Okay. Jérémy, on va te souhaiter la meilleure des chances, comme je t'ai dit. On se reparle au courant de l'année pour savoir comment ça va avec les élites. Voilà, Jérémy Fortin de Dolbeau-Mississinique qui a participé au camp des Cataractes de Shawinigan.